Chapitre 9. Des fins de la société politique et du gouvernement. Si l'homme, dans l'état de nature, est aussi libre que j'ai dit, s'il est le seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne, pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire? Pourquoi se soumet-il à la domination et à l'inspection de quelque autre pouvoir? Il est aisé de répondre qu'encore que dans l'état de nature, l'homme ait un droit tel que nous l'avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l'invasion d'autrui. Car tous les hommes étant rois, tous étant égaux et la plupart peu exacts observateurs de l'équité et de la justice, la jouissance d'un bien propre dans cet état est mal assurée et ne peut guère être tranquille. C'est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu'elle soit, est pleine de craintes et exposée à de continuels dangers. Et cela fait voir que ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société et qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein de s'unir et de composer un corps pour la conservation mutuelle de leur vie, de leur liberté et de leurs biens. Chose que j'appelle d'un nom général « propriété ». C'est pourquoi la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes lorsqu'ils s'unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leur propriété, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature. Premièrement, il y manque des lois établies, connues, reçues et approuvées d'un commun consentement, qui soient comme l'étendard du droit et du tort, de la justice et de l'injustice, et comme une commune mesure capable de terminer les différends qui s'élèveraient. Car, bien que les lois de la nature soient claires et intelligibles à toutes les créatures raisonnables, cependant, les hommes étant poussés par l'intérêt aussi bien qu'ignorants à l'égard de ces lois, faute de les étudier, ils ne sont guère disposés, lorsqu'il s'agit de quelques cas particuliers qui les concernent, à considérer les lois de la nature comme des choses qu'ils sont très étroitement obligés d'observer. En second lieu, dans l'état de nature, il manque un juge reconnu, qui ne soit pas partial, et qui ait l'autorité de terminer tous les différends, conformément aux lois établies. Car dans cet état-là, chacun étant juge et revêtu du pouvoir de faire exécuter les lois de la nature et d'en punir les infracteurs, et les hommes étant partiaux, principalement lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes et de leurs intérêts, la passion et la vengeance sont fort propres à les porter bien loin, à les jeter dans de funestes extrémités et à leur faire commettre bien des injustices. Ils sont fort ardents lorsqu'il s'agit de ce qui les regarde, mais fort négligents et fort froids lorsqu'il s'agit de ce qui concerne les autres, ce qui est la source d'une infinité d'injustices et de désordres. En troisième lieu, dans l'état de nature, il manque ordinairement un pouvoir qui soit capable d'appuyer et de soutenir une sentence donnée et de l'exécuter. Ceux qui ont commis quelques crimes emploient d'abord, lorsqu'ils le peuvent, la force pour soutenir leur injustice. Et la résistance qu'ils font rend quelquefois la punition dangereuse et mortelle même à ceux qui entreprennent de la faire. Ainsi les hommes, nonobstant tous les privilèges de l'état de nature, ne laissant pas d'être dans une fort fâcheuse condition tandis qu'ils demeurent dans cet état-là, sont vivement poussés à vivre en société. De là vient que nous voyons rarement qu'un certain nombre de gens vivent quelque temps ensemble en cet état. Les inconvénients auxquels ils se trouvent exposés, par l'exercice irrégulier et incertain du pouvoir que chacun a de punir les crimes des autres, les contraignent de chercher dans les lois établies d'un gouvernement un asile et la conservation de leurs propriétés. C'est cela précisément qui porte chacun à se défaire de si bon cœur du pouvoir qu'il a de punir, à en commettre l'exercice à celui qui a été élu et destiné pour l'exercer, et à se soumettre à ces règlements que la communauté, ou ceux qui ont été autorisés par elle, auront trouvé bon de faire. Et voilà proprement le droit original et la source et du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, aussi bien que des sociétés et des gouvernements même. Car, dans l'état de nature, un homme, outre la liberté de jouir des plaisirs innocents, a deux sortes de pouvoirs. Le premier est de faire tout ce qu'il trouve à propos pour sa conservation et pour la conservation des autres, suivant l'esprit et la permission des lois de la nature, par lesquelles lois communes à tous, lui et les autres hommes, font une communauté, composent une société qui les distingue du reste des créatures. Et si ce n'était la corruption des gens dépravés, on n'aurait besoin d'aucune autre société. Il ne serait point nécessaire que les hommes se séparassent et abandonnassent la communauté naturelle pour en composer de plus petites. L'autre pouvoir qu'un homme a dans l'état de nature, c'est de punir les crimes commis contre les lois. Or, il se dépouille de l'un et de l'autre lorsqu'il se joint à une société particulière et politique, lorsqu'il s'incorpore dans une communauté distincte de celle du reste du genre humain. Le premier pouvoir, qui est de faire tout ce qu'on juge à propos pour sa propre conservation et pour la conservation du reste des hommes, on s'en dépouille afin qu'il soit réglé et administré par les lois de la société, de la manière que la conservation de celui qui vient à s'en dépouiller et de tous les autres membres de cette société le requiert. Et ces lois de la société resserrent en plusieurs choses la liberté qu'on a de par les lois de la nature. On se défait aussi de l'autre pouvoir qui consiste à punir, et l'on engage toute sa force naturelle, qu'on pouvait auparavant employer de son autorité seule pour faire exécuter les lois de la nature comme on le trouvait bon. On se dépouille, dis-je, de ce second pouvoir et de cette force naturelle pour assister et fortifier le pouvoir exécutif d'une société selon que ses lois le demandent. Car un homme, étant alors dans un nouvel état, dans lequel il jouit des commodités et des avantages du travail, de l'assistance et de la société des autres qui sont dans la même communauté, aussi bien que de la protection de l'entière puissance du corps politique, est obligé de se dépouiller de la liberté naturelle qu'il avait, de songer et pourvoir à lui-même. Oui, il est obligé de s'en dépouiller autant que le bien, la prospérité et la sûreté de la société à laquelle il s'est joint le requièrent. Cela est non seulement nécessaire, mais juste, puisque les autres membres de la société font la même chose. Cependant, quoique ceux qui entrent dans une société remettent l'égalité, la liberté et le pouvoir qu'ils avaient dans l'état de nature entre les mains de la société, afin que l'autorité législative en dispose de la manière qu'elle trouvera bon et que le bien de la société requerra, ces gens-là, néanmoins, en remettant ainsi leurs privilèges naturels, n'ayant d'autre intention que de pouvoir mieux conserver leur personne, leur liberté, leur propriété, car enfin, on ne saurait supposer que des créatures raisonnables changent leurs conditions dans l'intention d'en avoir une plus mauvaise, le pouvoir de la société, ou de l'autorité législative établie par eux, ne peut jamais être supposé devoir s'étendre plus loin que le bien public ne le demande. Ce pouvoir doit se réduire à mettre en sûreté et à conserver les propriétés de chacun, en remédiant aux trois défauts dont il a été fait mention ci-dessus, et qui rendait l'état de nature si dangereux et si incommode. Ainsi, qui que ce soit qui a le pouvoir législatif ou souverain d'une communauté est obligé de gouverner suivant des lois établies et connues du peuple, et non par des décrets arbitraires et formés sur le champ. D'établir des juges désintéressés et équitables qui décident les différends par ces lois, d'employer les forces de la communauté au-dedans seulement pour faire exécuter ses lois, ou au-dehors pour prévenir ou réprimer les injures étrangères, mettre la communauté à couvert des courses et des invasions, et en tout cela, de ne se proposer d'autre fin que la tranquillité, la sûreté et le bien du peuple.